Chapitre 19e. Le soleil couchant envoyait à ce coin de jardin, dans un poudrement de lumière, ses rayons d'un rouge d'or. Ribert, muet, la tête vide, et n'ayant à la pensée que les terreurs de Geneviève devant la misère, prenait machinalement pourtant la lettre de Ducret dans son paletot pour la rouvrir et pour la lire à cette femme. C'était le devoir. Son geste instinctif le poussait à cela. Et se levant, ce malheureux, amoureux fou, regardait cette jolie créature souriante, les bras demi-nus dans sa robe d'été, le sourire tendre sur des lèvres qui s'avançaient doucement comme une bouche d'enfant réclamant un baiser. L'ourlet de chair de l'oreille sortait des cheveux bruns tordus sur le cou un peu gras, très blanc, attirant et doux. « C'est cependant pour vous ?» dit Geneviève, coquettement. « Oui, pour vous, monsieur mon mari, et non pour vos hôtes que j'ai voulu me faire belle, pour vous. » Elle s'avançait, lui donnant un frisson exquis, et elle lui disait « C'est vrai, vous avez raison, cette terrasse est l'endroit du jardin où on est le mieux. J'ai laissé Guillemard et monsieur Lacoste, très gentils sont monsieur Lacoste, et je suis toute contente de me trouver avec vous. Ah, qu'il y a longtemps que nous n'avons pas été aussi seuls, aussi tranquilles et si heureux. » Il ne disait rien, la regardait, et, froissé, caché dans sa main, il tenait la lettre de Ducret. « Je conçois maintenant pourquoi vous aimez tant votre ville d'Avray. Le bonheur a comme cela des endroits préférés. André, cette chère André, ici, nous l'avons toujours vue joyeuse. À ville d'Avray, elle n'a jamais pleuré, je crois. »« Jamais, » pensait Ribert, « que cette sensation d'un bonheur retrouvé est prête à s'écrouler tenaillée comme un supplice. » Elle éprouvait comme un besoin de se faire pardonner sa cruauté d'autrefois, et elle enveloppait maintenant cet homme d'une affection caressante et souple. « Asseyons-nous donc là un instant, comme des amoureux, » dit-elle doucement. « On n'a pas encore sonné le premier coup de cloche pour le dîner. » Et, lui prenant le bras, l'attirant tendrement auprès d'elle, sur le banc tourné vers Paris, elle le contraignait à s'asseoir. Elle se penchait vers lui, sa jolie tête brune aux yeux de créole tombant sur son épaule, sa main dans la main de ce mari qui l'adorait. Elle restait là, amoureuse, comme elle le disait, humant le vent tiède, sentant sur son front, sa joue, sa nuque, une caresse douce. Lui, serrant les doigts fins de Geneviève, pressait de sa main droite avec une sorte de colère ce papier signé de Ducret et qui lui brûlait la peau. Au loin, comme un roi s'envelopperait pour le sommeil dans un manteau de pourpre, Paris se couvrait de grands plis d'un ciel incendié dans une atmosphère rouge. « Ah, qu'on est bien !» répétait Geneviève, tout son corps s'appuyant contre Victor dans une langueur heureuse. Comme c'est bon de ne penser à rien, de se laisser vivre, de ne rien redouter et de s'aimer. Chaque mot qu'elle disait enfonçait une pointe d'épingle dans la chair même du pauvre homme. « C'est tout de même bien gentil à lui, ce vieux Ducret, de nous avoir permis de conserver cette maison, ce jardin, tout. Aussi, Ducret, maintenant. » Elle sentait que Ribert ne l'écoutait pas. Elle le voyait, à l'œil hagard de cet homme perdu sur l'horizon. « Vous ne souffrez pas, dites, mon ami, » fit-elle inquiète, brusquement. « Vous étiez si bien tout à l'heure, si gai. »« N'est-ce pas ? J'étais gai, » fit-il machinalement avec l'envie brusque de tout raconter. « Aussi, mon ami, il faut la garder, cette campagne, la garder toujours, même si nous achetons quelques chalets à Trouville. Oh, je deviens raisonnable. Moi qui vous demandais de vous jeter dans le mouvement autrefois, je vous supplierai de ne plus rien livrer à l'incertain, au hasard des affaires. Oh, j'ai encore la terreur de notre ruine possible. Après celle de mon père, c'eût été trop. « Vous avez raison, » balbutia Victor. « Pourtant, on ne sait pas, une occasion. »« Mais qu'est-ce donc qui vous préoccupe ? » dit-elle tout à coup en le regardant. « Rien, j'espère. »« Ce que je dis peut-être, oui. Oui, c'est bien moi qui y parle, moi, l'ambitieuse. »« Je suis satisfaite, que voulez-vous. Ce que nous avons, je ne dis pas de l'augmenter. » « Je vous prie seulement de ne pas le diminuer. Vous me le promettez, mon cher Victor, vous me le jurez. Cela, du reste, c'est l'indispensable de la vie. Depuis que j'ai l'âge de raison, toute jeune fille, je rêvais cette existence paisible, ce calme, ce luxe, et je ne l'avais pas. Tout cela fuyait. Ah, que j'étais malheureuse. Pas méchante, je vous jure, mon ami, mais quand on souffre, quand on a peur. Et voyez à présent, c'est moi qui suis la plus raisonnable de nous deux. Gardons ce que nous avons. Je me méfie de vous, qui êtes trop bon, trop croyant, trop honnête. » Ribert tressaillit. Trop honnête. Et cette lettre qu'il avait là et qu'il ne lisait pas à cette femme. Vous n'êtes pas fait pour les affaires de ce temps-ci. Allez, est-ce que j'ai maintenant, s'il fallait le perdre encore, j'en mourrais. » Il sentait à son cœur des douleurs atroces, comme un étouffement. « Pourtant, Geneviève, s'il le fallait, je suis encore jeune, je suis courageux, et puis je veux... » Elle lui mit sa jolie main douce sur ses lèvres qui brûlaient. « Non, non, non, non, ne pensez pas à cela. Ne vous laissez ni tenter ni éblouir par les coups d'audace de Guillemard. Guillemard est d'une autre race que vous. Où il réussit, vous sombreriez. Reposez-vous, soyez heureux. Vous n'avez pas le droit de rien risquer, je vous le défends, mon ami. Et pour moi, et pour André. » André. Croyez-vous donc que je ne me disais jamais, moi qui ne suis pas sa mère, que son avenir était bien triste, pauvre petite, autrefois? Maintenant, ça m'amuse de répéter ce maintenant où il y a tant de bonheur à la fois, maintenant nous pourrons la marier. La marier, balbutia Ribert. Et même bien dotée. Elle est adorable, André. Tous les jours plus belle depuis que nous sommes ici, elle pourra choisir. Pauvre cher André, dit le père avec une expression d'amour où passait toute son âme. Geneviève se coula encore jusqu'à lui, coquettement. « Ah, n'allez pas l'aimer plus que moi, cependant. Je ne veux pas, je serai jalouse. » Elle sourit, jolie à ravir, et il dit « Ah, dame, vous savez, les belles-mères. » Puis, sérieuse, un accent d'humour vrai dans son sourire de femme coquette. « Je vous jure, même pour André, que j'aime de toutes mes forces, même pour elle. » Je ne veux pas que vous m'aimiez moins, moi, votre femme. Et que voulez-vous? Il me semble que vous m'aimez moins. Moi? Je vous le dis là, combien je suis heureuse. Heureuse ici. Heureuse auprès de vous, oubliant les autres pour vous. Et vous ne me répondez pas. Regardez-moi, Victor. Est-ce que vous me gardez rancune d'autrefois? Si tu m'aimes moins, vois-tu, c'est que tu ne m'aimes plus. Elle lui parlait à l'oreille. Sa joue frôlait la joue de Ribert qui fermait les yeux, caressé par ce parfum de femme, par le souffle doux qui lui courait sur le visage. « Je t'adore, Geneviève, je t'adore !» dit-il en se retournant vers elle, la prenant dans ses bras, la regardant au fond des yeux, lèvre contre lèvre. Et elle, souriante, fière de se sentir toute puissante sur cet homme, femme et maîtresse à la fois. « je le sais, mais comprends bien, je veux que tu me le redises toujours. » Toujours. Et lui la contemplait, ses mains brûlantes de fièvre sur ses bras ronds et nus. Il la regardait longuement, avec une sorte de passion farouche, éperdue, avide de ses caresses, et songeant pourtant amèrement qu'il était comme un jouet pour cette femme, deux fois femme, irrésistible, ne demandant qu'à être aimée, mais aimée dans le cadre luxueux rêvé par elle. Lui redire qu'il l'adorait, eh, il ne l'aimait que trop, puisqu'il se taisait, ce malheureux, puisqu'elle ne lui avait pas déjà crié. « Nous sommes ruinés, rien de ce qui était à nous ce matin n'est à nous ce soir. » Et perdu, ne pensant plus qu'à Geneviève, dont le cœur battait contre sa poitrine, il avait, le long du banc et sur le sable gris, laissé glisser, sans le savoir, le papier froissé qu'il tenait tout à l'heure dans sa main droite. Il ne songeait qu'à cette exquise créature dont le sourire, la beauté rayonnante, le parfum, le grisait, et dans ce soleil, il lui répétait qu'il l'aimait, et elle, triomphante, pardonnée, lui disait à son tour « Oui, tu m'aimes, et pas une femme n'est aimée comme moi. Chut !» Elle prêtait l'oreille. Le sable du jardin criait sous des pas qui s'approchaient, elle se mit à rire. « Voilà, il faut toujours qu'on traque les amoureux. » Elle l'entraînait. « Mais c'est peut-être... » « Je ne veux pas savoir qui c'est. Guillemard, Louis, Raymond ou Monsieur Lacoste, nous allons les voir tout à l'heure. » Promenons-nous seuls encore un moment, je suis contente de t'avoir à moi. » Et coquette, rieuse, avec la gaminerie qu'eût pu avoir Raymonde, elle entraînait Victor à travers le jardin dans l'encadrement des arbres. Ce n'était ni Louis ni Guillemard qui venaient. André cherchait son père. Elle avait à lui demander des ordres pour le jardinier, des plantations nouvelles à faire bientôt. Cela l'amusait de voir naître dans le jardin des allées nouvelles. Elle voulait, pour elle, une grande avenue de tilleuls où elle put se promener en lisant. Le jardinier s'informait du nombre d'années que les arbustes devaient avoir. André, ne trouvant pas Ribert à la maison, allait droit à cette terrasse où il se tenait presque toujours. Elle croyait bien l'y retrouver. Il était donc rentré, mais puisqu'elle ne l'avait pas vu. Elle s'arrêta un moment debout près de la balustrade, regardant à son tour Paris à l'horizon, entre les deux rideaux verts des vallons. Elle n'entendait point les pas fugitifs de Victor et de sa femme s'éloignant et le rire de pensionnaire échappé qu'étouffait Geneviève. Elle restait là, contemplant aussi les maisons de Sèvres, dorées et rougies. Sèvres, le pont, le mendiant, Olivier, toutes ces pensées allaient là, d'instinct, attristées. Il était loin, Olivier, il était là-bas, dans la masse de pierre de Sparry. Autrefois, il était ici chez lui, dans ce logis aimé. C'était cette fortune qu'il en avait chassée. Et elle aussi, elle, Andrée, qui ne disait pas assez à ce timide, « Revenez, restez, qui vous chasse ?» Fier comme il l'était, Olivier avait besoin d'une telle parole. Mais rien qu'en songeant qu'elle pouvait lui dire cela, laisser échapper un mot qui ressembla à un aveu, Andrée se sentait invinciblement émue. Et ce n'était pas le soleil couchant qui donnait à ses joues cette rougeur douce mêlée à l'or blanc de ses cheveux. Elle demeurait là, rêveuse comme elle était souvent, debout, dans la sveltesse de sa taille, lorsqu'en se retournant, sa robe, comme si elle eût traîné une feuille sèche, fit, sur le sable, mourir doucement la lettre que Ribert y avait laissée tomber. Elle regarda machinalement cette lettre à demi froissée, et sur l'enveloppe tombée à terre, elle lut, de loin, le nom de son père, ne reconnaissant pas l'écriture d'ailleurs, mais poussée instinctivement par un sentiment de curiosité bizarre qu'elle n'éprouvait pas d'habitude. Qu'était-ce donc cette lettre jetée là, froissée? Son père n'avait pas de secret pour elle. Elle eut, si elle eût été là au moment où il décachetait ce papier, tout lu par-dessus son épaule, quitte à le payer ensuite d'un baiser. Pour mon père, cette lettre, et quelle adresse singulière! Elle s'était baissée, ramassant sur le sable l'enveloppe et le papier froissé, les regardant machinalement, lorsque la signature qu'elle lut seule la frappa. C'était de Ducray, cette lettre. C'était la lettre que tout à l'heure Raymond lui avait montrée. Qu'est-ce qu'il avait donc pu écrire, Ducray? Une recommandation suprême, ou un codicille, comme on dit? Ce mot « codicille », entendu plus d'une fois, avait pour la jeune fille quelque chose de troublant et de mystérieux. Elle voulait savoir ce qu'il y avait là. Elle déplia la lettre et se sentit frappée au cœur. Elle crut qu'elle ne lisait pas bien. Ses yeux bleus, subitement agrandis, couraient d'une ligne à l'autre, devinant la fin de la phrase avant de l'avoir éplée du regard. « J'ai pu avoir l'idée de partager. Je ne laisse rien à Louis. » Elle balbutiait ces mots presque tout haut de ses lèvres qui frémissaient. « C'est bien l'enveloppe, » pensait-elle, effrayée en relisant l'adresse, l'adresse de cette lettre qui portait le nom de son père. « L'oncle Ducray. » Puis, effrayée, « Pauvre Louis, il était si content. » Il lui semblait que le mort se dressait tout à coup au milieu des siens, et étendant sa longue main sèche, disait de sa voix creuse au cousin Louis, en lui reprenant tout, « Pardon, mon neveu, cela est à moi. » Elle s'était remise à lire, saisie par l'angoisse, car si Louis était frappé, Victor pouvait l'être. « Louis, il a eu cette idée méchante, le vieux Ducray. Je ne laisse rien à Louis. » Et je ne te laisse rien, Victor, que le plaisir d'être l'exécuteur de mes volontés. » Andrée courut, elle aussi, à la date, mai 1880. Et l'autre testament était du 12 mars. Déshérité. Son père, Geneviève, elle, mais elle ne comptait pas. Déshérité. Elle eut brusquement l'affreuse vision de ses soirées longues, de ses nuits de veille, de Victor courbé sur ses écritures, la chaleur du gaz lui desséchant le cerveau, lui brûlant le crâne. Elle le revit, pâle, inquiet, triste, pauvre. Ah, mon Dieu! Elle se disait, terrifiée. Maintenant, que va-t-il arriver? Que deviendra-t-il? Et brusquement, sa pensée se retourna vers Olivier comme vers un appui. Il quitterait Guillemard. Il ne laisserait pas Ribert se débattre tout seul. Il reviendrait. Si quelqu'un de vous avait besoin de moi, j'accourrais tout seul, tout droit, tout de suite. Et cette idée du retour subit d'Olivier lui paraissait quelque chose de consolant et de doux au milieu du déchirement qui se faisait en elle, à cette idée que toute cette joie sur laquelle on vivait depuis 3 mois était factice. Faux, le luxe présent, vain et insensé, les espoirs, usurpé cette fortune qu'il fallait rendre. Ah, mon pauvre père, mon cher et bien-aimé père! Un sanglot lui montait à la gorge. Elle avait envie de crier sous cette étreinte brutale. Elle reprit le papier pour finir de le lire. Elle eut un éblouissement, presque un cri, arraché du profond de son cœur en voyant là, accolée au nom de Raymond Guillemard le nom d'Olivier Giraud. Puis, tout à coup, elle s'arrêta, immobile, devant Victor Hubert qui accourait, livide, regardant sans voir le banc sur lequel il était assis tout à l'heure, la place où, sur le sable, la trace de ses pieds était encore marquée. « Vous cherchez quelque chose, mon père ?» demanda doucement André. Il avait toujours les yeux à terre. « Un papier, oui, que j'ai laissé tomber, là. » « Certainement. Je croyais l'avoir mis dans la poche de mon paletot. Il aura glissé. » « Un papier ? Celui-ci ? » dit fermement la voix de la jeune fille. Victor releva la tête d'un mouvement rapide, et pâle elle-même, elle fut effrayée de la pâleur de ce visage convulsé. Elle tendait, en essayant de sourire, l'enveloppe et la lettre de Ducret. Victor Hubert se tenait droit devant cet enfant, ses yeux fiévreux sur les yeux profonds d'André. Il interrogeait presque ce pur regard de jeune fille, clair comme une goutte de pluie qui n'a pas roulé à terre. Et après avoir vivement pris la lettre qu'il tenait maintenant d'une main toute tremblante, il allait commencer une question. « Est-ce que... » Il s'arrêta, n'osant rien dire. Elle, devinant ce qu'il n'osait demander, devinant aussi que peut-être le malheureux ne voulait pas encore révéler au sien, même à elle, sa fille, pourtant si brave, le secret de cet écroulement, elle sourit. Elle supporta le regard anxieux, farouche de Ribert, un regard fou. « Est-ce que... » Toute l'attitude du pauvre homme répétait la question. Alors, calme, domptant son émotion, doucement, André demanda à son tour. « Mon père ? À quoi donc ? » fit-il brusquement. Il avait enfoncé, d'un mouvement rapide, la lettre dans son paletot. « Eh bien quoi ? » dit-il encore. « Rien, mon père. » Cette brusquerie étonnait André et lui faisait peur. « Tu n'as rien à me dire ? » fit doucement la jeune fille, en relevant encore sur lui ses beaux yeux comme pour ajouter « Regarde au fond de moi tout ce qu'il y a d'amour pour toi, de courage contre le sort, et n'aie pas peur de ta fille, va !»« Rien, » dit Ribert, « qu'est-ce que tu veux que j'aie ? Cette lettre que je croyais perdue. »« Et cette lettre ?» dit encore André, espérant qu'il allait tout dire. Il descendait déjà la terrasse, brusquement, et elle l'entendit, derrière les roses et la vigne vierge, répondre d'une voix sourde « Cette lettre, ce n'est rien, rien du tout. Rien. » André sentait sa tête osciller et elle s'appuya contre le tilleul pour ne pas tomber. Elle se raidit ensuite, se domina très vite et rejoignit son père. Il ne voulait rien dire, mais, tout à l'heure, il parlerait. Elle vit, au bas de la montée qui menait à la terrasse, Geneviève et Louis qui venaient vers Ribert. Louis, très pâle aussi, nerveux, l'air bizarre. Le peintre regardait à la fois Geneviève et Victor. À la façon seule dont Madame Ribert prit le bras de son mari, Louis laissa échapper un « ouf » de soulagement. Allons, la femme avait été plus forte que lui. Ou plutôt, le charme de la femme avait achevé ce que ses paradoxes et ses ironies avaient audacieusement commencé. Victor n'avait rien dit, Victor ne dirait rien. « S'il s'est promis de parler demain, pensait Louis, il ne parlera pas. » On entendait au loin sonner gaiement dans l'air du soir la cloche du dîner. Raymonde, tête nue, avec ses beaux cheveux ébouriffés, arrivait en courant et prenait le bras de Louis pour éviter celui de Lacoste dont pas un cheveu ne s'était dérangé durant la promenade et dont le mouchoir sortant correctement du veston n'avait pas bougé d'un millimètre. Guillaume criait qu'il avait un appétit de dogue et, moqueuse, Geneviève lui disait « Eh bien, mais, et la poésie, cousin, qu'en faites-vous ? » Alors Louis, serrant sur son bras la main gantée de Raymonde, lui répétait, très haut, pour que Victor entendît « Est-elle jolie, Geneviève ? Jolie, jolie, jolie ! Et aussi jeune que toi, cousinette, parole d'honneur !» Tout ce monde traversait le jardin, Miss Maud, debout sur le perron. Dans l'encadrement des larges feuilles d'un aristoloche, les saluant à mesure qu'ils arrivaient et s'effaçant pour les laisser passer. Lacoste avait pris le bras d'André. Il avait l'air de mauvaise humeur, trouvant la jeune fille triste, mais il ne lui répétait pas moins, tout en marchant, son refrain ordinaire. « Ah, mademoiselle, le beau portrait qu'on ferait de vous. Un profil, ce serait charmant. » André n'écoutait pas, n'entendait pas. « Charmant, » répétait Edmond, un peu vexé. À table, Victor essaya de parler, fouettant sa tristesse, surexcité par Louis, qui allumait tous les pétards de ses plaisanteries, raillait Lacoste, se raillait lui-même, jetait des madrigaux au gai visage de Geneviève, et ne se taisait que lorsque Raymonde, avec sa verve enragée de Française affolée de parure et de sport, comme une Miss anglaise le serait du lawn tennis, racontait la dernière course de la journée, la lutte entre Master sur Arabie et Pollard montant Gil Blas. Ah, c'était amusant, amusant. Pendant les 100 derniers mètres, figurez-vous, un galop botte à botte. On n'en voyait qu'un. Master immobile, une statue. Et l'autre se démenant, allant, fouettant, et prenant Gil Blas comme un diable. Ah, ça vous monte, ça, ça vous grise. C'est du champagne qu'on voit courir. Lacoste alors souriait, trouvait le mot charmant, charmant. Envoyez-le à votre encadreur, répondait Louis. Il fallait que Guillemard, qui sentait bien que son protégé ne réussissait pas, fit l'éloge des toiles de Lacoste qu'il n'avait pas vues et se pencha vers lui pour lui dire « Étudiez bien Raymonde, je veux son portrait par vous au prochain salon. »« Mademoiselle Guillemard est ravissante, » commençait le peintre. « Capricieuse, mais bonne petite. Charmante. Oh, un beau portrait, un très beau portrait, de face. » Guillemard n'avait pas plus de chance avec Geneviève que Lacoste avec Raymonde, qui ne parlait qu'à André ou à Louis. Les plaisanteries qu'il risquait tombaient à plat comme un volant sans raquette. Il s'apercevait bien que la cousine ne rêvait plus une existence qu'elle avait enfin trouvée. Et Victor aussi s'en apercevait, et il se répétait effrayé, que la ruine de sa maison c'était aussi la ruine de son bonheur. Mais il s'arrêtait. Il eût insulté Geneviève en ajoutant, même en pensée, « Pauvre, resterait-elle une honnête femme ?» Alors Guillemard, que la raillerie ou la froideur de Geneviève humiliait un peu, et que la chaleur, le grand air aspiré aux courses et le Saint-Marceau frappé qu'il buvait là surexcitait beaucoup, se mit à faire flamber ses millions comme des soleils de feu d'artifice. Ah, on ne se souciait plus de lui. Pan, pan, feu partout. Et il comptait, recomptait, étalait ses projets, ses opérations, sa fortune. Il parlait de 500 000 francs comme de 5 sous, d'un million comme d'un centime. Il allait remuer le marché, faire trembler la bourse. Tout Israël, à la corbeille et à la coulisse, le craignait comme le feu. Rodillon, si Rodillon voulait, et il ne serait pas assez bête pour ne pas vouloir. Oui, Célestin Rodillon, Molina et lui, dans un an, avant un an, seraient les maîtres de Paris, de la place entière, de Lyon, de Marseille, de Bruxelles, des marchés étrangers, de tout. Ah, on verrait, et on en verrait. Voyez-vous, disait-il, étalant sa carrure, élevant la voix, faisant trembler les cristaux sur les tables. C'est la grande bataille qui commence. Je me fiche d'avoir pour partenaire Odillon, qui a tâté de Mazas et qui n'avait pourtant pas fait plus que tant d'autres pour y entrer, et Molina le tombeur qui vendait des habits aux Piémontais et aux Grecs dans une arrière-boutique de la Canebière. Quand on va enlever une position sur l'ennemi, on ne va pas demander à ses soldats s'ils ont les mains propres. Et même si elles sont sales, c'est qu'ils ont manié le flingot et tripoté la poudre. Eh bien, nous allons enlever Paris, rien que ça. Oui, l'esbrouffer, l'épater, l'avaler. Un énorme galion pincé par une petite barque bien armée, comme dans les drames de la Porte Saint-Martin. Et leste, rincer le galion, digérer la cargaison. Toute la juiverie, hop, dans le sac. Master contre Pollard. Arabie contre Gil Blas. Ah, misère. C'est bien rien, ces steeplechases-là. Mais le Golgotha contre le Sinaï, à la bonne heure. Nous allons bien rire. » Et dans l'insolence de ses projets, remuant fantastiquement les millions et les millions, il ouvrait à Louis enfiévré, à Geneviève dédaigneuse, à Raymonde amusée, à André distraite, et à Miss Barker impassible, un glaçon, à Lacoste, toujours correct, mais l'œil très allumé, des perspectives insensées de fortune, des Eldorado, des cités tout entières bâties par lui, des Éden, des palaces de cristal, des rues, des boulevards, un marché monstre où tout Paris s'alimentait, un monde d'inventions, d'affaires, de trouvailles, de folies. « Eh bien, » dit tout bas Louis, la gorge sèche, à Victor Ribert après le dîner, « as-tu conscience de priver des centimes de l'oncle Ducret, un gaillard comme ça qui jongle avec les milliards ?» Victor Ribert, blême, l'œil perdu dans des pensées vagues, ne répondit pas. Mais le soir, quand tous les hôtes du logis furent partis, lorsqu'il ne resta plus dans la maison silencieuse sur qui l'ombre tombait, que Ribert et les siens, André ouvrit sa fenêtre et seule, songeuse, le visage tendu à l'air tiède encore de cette nuit d'automne, pareille à une nuit d'été, venant à elle avec l'odeur du jardin, elle resta là, accoudée, ne voyant rien de ce ciel poudré d'étoiles, de cette lune qui montait à l'horizon au-dessus des massifs noirs dans une vapeur argentée. Elle demeura, forme blanche qu'on eut à peine entrevue du dehors, fantôme vivant de la conscience du père, du chef de famille qui se taisait, et hagarde, le front brûlant, tremblante, elle se demandait si celui qu'elle vénérait, qu'elle aimait, adorait le plus au monde d'une chère affection faite de respect, allait, demain encore, comme ce soir, garder le silence. Elle relisait par la pensée, elle voyait, écrite dans la nuit, ces lignes tragiques du testament nouveau de Sylvain Ducret. « Je ne laisse rien à Louis, je ne te laisse rien, Victor. » Et ce testament, volonté suprême du mourant, ordre absolu de l'oncle moribond, ce papier qui dépouillait les ribères férocement, mais auquel on devait obéir, auquel il eût fallu obéir non pas demain, non pas dans une heure, mais ce soir, mais tout à l'heure, ce testament, le père, son père à elle, André, son bien-aimé et adoré père, allait-il en parler, allait-il le garder? Et maintenant, maintenant encore, elle se rappelait avec effroi une des clauses de ce testament. Au premier moment, dans le saisissement de sa douleur, elle n'avait vu que cela, son père ruiné, Ribert, pauvre. Mais il y avait autre chose dans les volontés de Ducret. Ce vieillard ricaneur, ironique et méchant, vouait Raymonde à Olivier et donnait Olivier à Raymonde. Disposer de l'existence d'Olivier, était-ce possible et de quel droit? Mais à présent, cette pensée revenait à André. Oui, le caprice funèbre de ce mort voulait faire de Raymonde la fiancée d'Olivier Giraud. Raymonde lui avait presque dit là, à elle, André, qu'Olivier lui plaisait, qu'elle l'aimait. Toutes les idées devenaient confuses dans la tête d'André. Si c'était à cause de cela, pourtant, que Ribert ne parlait pas, car il n'avait rien dit. Il avait caché ce papier comme s'il eût voulu le brûler. Et, oubliant Raymonde, Olivier, l'impossibilité d'un tel mariage, elle revenait à cette seule pensée qui la poignardait. Ce testament. Mon père ira-t-il dire enfin qu'il l'a trouvé, comme il le doit? Mais avait-elle bien lu seulement? Avait-elle bien compris? Des doutes lui revenaient, horribles. Voyons, voyons. Et Ribert, que voulait-il lui dire quand il avait commencé à l'interroger là-bas? Alors, dans la lutte atroce de ses pensées, dans la fièvre qui la secouait, les heures passaient. Elle demeurait, l'œil fixé à même place, comme attachée à cette interrogation sinistre. La fatigue la prit, elle ferma sa fenêtre. Brisée, elle s'étendit dans son lit, restant éveillée jusqu'au blafard levé d'aurore. Le jour qui venait la calma. « Il parlera aujourd'hui, » se dit-elle. Sa tête blonde, toute pâlie, tomba sur l'oreiller, apesantie par cette pensée et en s'endormant avec un souffle régulier comme un sommeil d'enfant, elle murmurait de ses pures lèvres qui souriaient maintenant. « Il parlera, oui, il parlera. Je l'aime tant, je le vénère tant, mon bon et adoré père. » Et sur la maison blanche de Ville d'Avray, le jour se levait, doux comme un printemps, dans la claire lumière d'un bleu tendre. Une lumière d'idylle baignait les côtes des collines vertes, tandis que dans les fonds traînait encore un brouillard d'argent, et une chanson montait, une aubade de petits cris, un salut au jour, la chanson des oiseaux, au matin, la diane de tout un peuple d'oiseaux chassant, dans le premier rayon, les insectes, gouttelettes vivantes dans l'or du soleil, comme les hommes, non plus dans la lumière, mais dans la fange, ramassant la fortune et harponnant leur proie. Au loin, Paris était encore enveloppé de brume. Ce monstrueux Paris endormi que Guillemard allait, disait-il, étonné, dompté, empoigné, avalé, conquérir.